サッパー。あわ、はは、おう、まとう、てぼよ。T'aimerais que je creuse ou que j'accepte ma détention sans rien faire en attendant mon jugement de tous. Et ouais, j'attaque un bon couplet, un bon refrain. Alors t'es prêt à me faire ton rire, que je fasse le mien. Bon, m'attends, qu'est-ce tu veux? Tu veux la suite? Tourne plus vite sur ton grappin. Malgré ces chaînes, ouais, qui me serrent le cou.